Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans le cours de l'histoire. Le cours de l'histoire, Xavier Mauduit. Dès qu'ils ont pu le faire par un croquis, par une photo, par un film même, ils ont saisi la scène pour en conserver une image, pour revenir avec une trace de ce moment incroyable, de cet objet fascinant, de ce geste habituellement dissimulé. Explorateurs, ethnologues, voyageurs se sont équipés d'appareils photographiques ou de caméras pour observer ici un baptême, là des obsèques, ailleurs un rite initiatique et puis, tiens, là un rituel de guérison. Les Indiens d'Amazonie, les Baluba au Congo, en Océanie, sur la banquise, dans les forêts, dans les déserts, et même chez nous, dans nos campagnes, dans nos villes, quels sont ces rites qui font dialoguer les vivants et les morts? Quels sont ces rites qui soignent les corps? Le scientifique se penche sur la question, il lit les comptes rendus voyage, il regarde les croquis, les photos, les films. Mais avec sa science à lui, comment peut-il saisir, comprendre le sens de ces pratiques quand il s'agit de soigner les corps? Peut-il s'empêcher d'être fasciné? Sans doute pas. Peut-il s'empêcher d'être curieux? Surtout pas. Nous-mêmes, nous le sommes toujours face au rituel, car sans savoir pourquoi nous le sentons, ils ont quelque chose à nous dire. Cette semaine, dans le cours de l'histoire, quand il s'agit de soigner les corps, que peuvent nous apprendre les pratiques anciennes, les pratiques venues d'ailleurs? Que peuvent nous apprendre les rites et les rituels? Nous irons en Chine pour une longue histoire de la médecine, nous irons dans l'Égypte pharaonique et puis nous nous demanderons ce que nous avons fait de l'héritage de la médecine antique gréco-romaine. Mais aujourd'hui, nous allons parler des rites. Avec vous, Philippe Charlier, bonjour. Bonjour Xavier. Vous êtes médecin légiste, archéo-anthropologue, paléopathologiste. Vous êtes directeur du département de la recherche et de l'enseignement au musée du Quai Branly. Je précise aussi que vous enseignez à l'université. Philippe Charlier, on évoque ces mots rites rituels. Vous venez de publier Rituel, c'est en janvier 2020, là, qui vient de sortir tout juste aux éditions du CERF. Comment peut-on déjà définir cet objet d'étude rite, rituel? Il y a une différence sans doute. Ah, rite rituel, la différence elle est assez ténue, elle est plus linguistique que véritablement anthropologique. Les rites et les rituels sont une façon d'organiser un tout petit peu le chaos qui est autour de nous, dans ce maelstrom d'événements inattendus qui surviennent, à commencer par la maladie, par la mort, par la peur du lendemain. On ne sait jamais de quoi le lendemain sera fait, et l'épidémie de Covid-19 nous l'a bien montré, avec son caractère assez insoupçonné et imprévu. Et bien face à tout ceci, il y a les rituels qui nous permettent de ne pas être dans l'inconnu, de savoir exactement quoi faire, quelle gestuelle, quelle organisation, quelle pratique réaliser pour ne pas être démuni face à ce flot d'inconnus qui nous arrive dessus, même pour des événements comme la façon de se lever le matin, comme la façon de gérer une naissance, de gérer un repas de famille ou autre chose, qu'on appelle l'étiquette, qu'on appelle les rites, qu'on appelle les rituels, qu'on appelle les cérémoniaux. Tout ceci sont une façon faite par les hommes, plus ou moins inspirée par les dieux, et par la tradition, et par quelque chose qui nous dépasse, d'organiser ce chaos ambiant. Le chaos ambiant qui nécessite une certaine forme d'organisation et au moins des éléments pour tenter de le comprendre. Philippe Charlier, je l'ai rappelé, hein, vous l'avez écrit, vous avez publié récemment Rituel, donc un livre qui s'appuie sur des documents, sur des photographies. Vous êtes directeur du département de la recherche et de l'enseignement au musée du Quai Branly à Paris. Quels sont ces documents? Parce qu'ils sont fascinants, hein, dans le livre, ce sont toujours des choses qui nous touchent parce que il y a ce côté exotique, on n'arrive pas à s'en sortir, et puis malgré tout, il y a quelque chose de fort, et presque d'esthétique avant tout. Alors oui, le côté esthétique, je l'accepte très volontiers, surtout que c'est un choix de photographies en noir et blanc qui sont issues d'archives, soit de photographes, soit d'explorateurs, soit d'ethnologues, d'anthropologues qui ont fait des travaux de terrain. Le côté en revanche exotique, ça on n'apprécie pas trop ce terme-là, puisque ça renvoie à du rêve, ça renvoie à une version un petit peu trop excessive, peut-être même un conflit de valeurs entre l'Occident et le monde extra-occidental, extra-européen. Donc oui, ça évoque le lointain, en tout cas. Ça, c'est certain. Même si certains rituels, comme vous l'avez dit très justement, sont au pied de notre porte, au pied de notre maison. Certains rituels ont lieu en Europe. Je pense au palio de Sienne, par exemple, ou au pèlerinage des Saintes Marie de la Mer. Malgré tout, il y a toujours un intérêt à faire correspondre une description par les textes, notamment faits sur des archives, à la fois des archives personnelles. J'ai assisté à certains de ces rituels. Pour d'autres, je suis allé consulter des archives, parfois inédites, des rapports, confronter les sources. Et puis, en vis-à-vis, il y a ces photographies-là. Parce que la lecture d'un texte, évidemment, amène à une certaine vision qui germe dans notre esprit. Et ensuite, on a ces photographies qui sont anciennes, qui sont en noir et blanc, qui nous transportent cette fois-ci vers une réalité. Ça nous permet de retomber, si on peut dire, sur nos pattes et de rêver peut-être un petit peu moins et d'être un tout petit peu plus objectif à la lecture du livre. C'est une invitation au voyage, mais un voyage anthropologique. Oui, Philippe Charlier, il faut le souligner, à côté de ces documents que sont ces photographies, il y a vos textes. Et ces textes, alors là, éclairent vraiment de manière absolument nécessaire ce que sont ces images, ce que portent en fait ces rituels. Alors ces rituels, et il faut bien le souligner, ils viennent de partout dans le monde. Alors ce partout dans le monde est intéressant parce que il fait que l'on se pose la question tout de suite de savoir s'il y a des comparaisons possibles. Partir au Pérou ou alors en Afrique, ou alors aller en Italie ou en Espagne, est-ce qu'il y a une grille de lecture possible pour l'ensemble de ces rituels ? On peut avoir des grilles de comparaison, on peut synthétiser ou classer ces rites selon qu'ils sont des rites agraires, des rites de fertilité, des rites d'exorcisme, donc à chaque fois destinés à réaliser une action particulière. Et puis on peut avoir une grille de lecture secondaire. Derrière un rite agraire, derrière un rite de fertilité, derrière un rite de renaissance, eh bien il peut y avoir la volonté de resserrer les liens au sein d'une population, de noyer également les différends entre une population et les voisins qui sont ennemis. Il peut y avoir des syncrétismes qui sont liés. Je pense notamment au vaudou haïtien qui est né d'une sorte de mélange, de mariage forcé, mais très harmonieux entre le christianisme et les religions premières d'Afrique subsaharienne, donc d'Afrique de l'Ouest. Voilà, il peut vraiment y avoir des grilles de lecture supplémentaires qui enrichissent le discours et qui permettent de se dire, voilà, quelles sont les petites variations, quel est le message véhiculé par ce rituel. C'est en ça qu'un regard mixte, un regard double, le mien en l'occurrence d'anthropologue et de médecin, permet parfois de soulever des choses assez originales. Philippe Charlier, vous avez raison de souligner ces variations dans le temps. Dans le cours de l'histoire sur France Culture, évidemment, nous nous intéressons au temps, à la chronologie et pour ces rituels, il y a cet aspect intemporel, millénaire, qui en fait est plus une construction, ils ont une réalité historique. Est-ce qu'en les étudiant, vous arrivez à percevoir ces évolutions ? Vous avez donné le cas du vaudou, et c'est vrai qu'il y a ces ruptures, ces croisements, ces moments d'invasion, mais ces rituels ne sont pas aussi millénaires que ça, mais en faire l'histoire est difficile. Oui, certains rituels sont assez récents, ils datent peut-être même simplement du début du XXe siècle. Néanmoins, il s'est passé tellement de choses au cours du XXe siècle, c'est surtout pas à vous ou à vos auditeurs que je vais l'apprendre, qu'il y a eu énormément de maturation, de mûrissement, de modification au fur et à mesure de ces rituels. D'abord par le passage, pour certains endroits, de ce qu'on a appelé les troupes coloniales, un envahissement, ensuite l'esclavage qui a pu perdurer, qui a pu reprendre, sous une forme plus ou moins déguisée. Ensuite, il y a pu avoir des modifications des religions dominantes et tout ceci influe énormément sur les rituels. On peut voir ça par exemple en Afrique de l'Ouest, on peut voir ça dans les Caraïbes, le carnaval de Jacmel par exemple, tel qu'il se passe actuellement dans la partie sud de l'île de Haïti, ne ressemble peu ou prou pas du tout à ce à quoi il ressemblait dans les années 50 ou encore au tout début du XXe siècle. D'abord parce qu'il se fonde en lui-même sur l'actualité, sur la façon avec laquelle on va critiquer ce qui se passe au moment où a lieu le carnaval. C'est un moment d'exécration, si on peut dire, des personnages qu'on déteste, qu'on honnit. On peut se moquer gentiment d'eux, on peut se moquer vertement d'eux, on peut également les insulter de façon très très directe. Et puis la religion, parfois foi impose à ce qu'une autre religion disparaisse, fasse silence, et en l'occurrence la religion chrétienne au sens général du terme, qu'il s'agisse du catholicisme ou des religions néo-protestantes venant de l'Amérique du Nord, principalement des États-Unis. Donc oui, ça fait beaucoup de variations d'un même phénomène, d'un même rituel, au fur et à mesure du temps, en fonction des exigences, qu'elles soient religieuses, métaphysiques, qu'elles soient politiques, qu'elles soient sociales, et parfois un peu tout ça en même temps. Écoutez ce que disait Claude Lévi-Strauss, c'était en novembre 1975 à propos de son livre « La voix des masques », c'était dans l'émission télévisée « Pleine page ». Philippe Charlier, il y a un écho toujours religieux hein, quand on évoque le rituel, et Claude Lévi-Strauss nous prévient que lui ne dirait pas que les anciennes religions se soient intégralement maintenues. Alors je ne dirais pas que les anciennes religions se soient intégralement maintenues, bien que beaucoup de croyances subsistent. Mais je dirais que la valeur de ces objets aux yeux des Indiens n'est ni de parade, ni de folklore. Enfin, c'est un moyen pour eux de reprendre contact avec leur tradition et avec leur essence propre. N'est-ce pas ? Ils disent, c'est une formule très frappante, la possession, le maniement de ces objets fait qu'on se sent bien. Claude Lévi-Strauss, ethnologue, anthropologue, en novembre 1975, à propos de son livre « La voix des masques ». Il y a cette temporalité qui nous intéresse avec les rituels, Philippe Charrier. Il y a cette temporalité où, en fait, le rituel évolue selon le contexte dans lequel il se trouve. Nous évoquons la religion. La religion fait évoluer ses rituels. Le fait religieux peut être associé systématiquement au rituel ou pas tant que ça ? Le fait religieux n'est pas systématiquement associé au rituel. Il peut y avoir des rituels qu'on va dire laïques. Vous voyez ce nouveau rituel qui maintenant commence à disparaître, celui d'applaudir à sa fenêtre à 20h pour féliciter et congratuler les soignants. On pourrait l'appeler un rituel gratulatoire. Et bien maintenant que le déconfinement a commencé, moi j'ai remarqué depuis quelques jours, plus personne n'applaudit à la fenêtre à 20h et tout ceci est bel et bien fini. Ça n'était absolument pas religieux, ça n'était pas du tout sous-tendu par des idées métaphysiques ou autres, c'était simplement gratulatoire d'une partie de la population pour une autre partie de la population. C'est un rituel comme un autre. Néanmoins, Lévi-Strauss, dans l'extrait que vous venez de diffuser, avait raison. Le rituel perdure parce qu'il est utile aux hommes, parce qu'il fait du bien. À partir du moment où il est, c'est presque une vision darwinienne du rituel, à partir du moment où il ne fait pas de bien, où il n'est pas utile, où il ne sert pas la société ou une partie majoritaire des hommes, en tout cas une partie utile, si on peut dire, de la société, il n'a aucune vocation à rester et dans ce cas-là, il va vite péricliter. C'est ce qui nous intéresse dans le cours de l'histoire sur France Culture aujourd'hui, justement, c'est soigner les corps à travers cette question des rituels que vous connaissez si bien, Philippe Charlier. Et ce rituel qui fait du bien nous pousse tout de suite à réfléchir sur le rituel de guérison. Parmi tous les rituels possibles, que ce soit ceux de la naissance, ceux des obsèques, ou tous les rituels qu'il peut y avoir, il y a vraiment une attention forte accordée à la maladie dans ces rituels. Oui, alors c'est peut-être un choix lié à l'auteur, parce que avec mon regard médical, j'étais assez tenté de me pencher sur des rituels liés à la maladie ou en tout cas liés au corps humain, avec des modifications corporelles qui peuvent être celles de la peinture sur le corps, de mutilation, parfois amputation littéralement, de faire saigner l'individu, de lui créer des scarifications, des tatouages, voilà tout ce qui touche au corps plus que la maladie ou la mort en l'occurrence m'intéressait tout particulièrement. Mais c'est vrai que la maladie est un moment temporaire où tout ce qu'on doit faire quand on est du côté des vivants, du côté de la société, de la communauté, eh bien c'est essayer de satisfaire aux exigences rituelles pour re-insuffler un tout petit peu d'énergie ou de souffle vital à l'individu pour que la maladie disparaisse. Donc c'est vraiment une sorte de lutte entre le bien et le mal. Je ne sais pas si vous voyez cette fresque de Delacroix à Saint-Sulpice où on voit vraiment la lutte entre l'ange et un prophète. Eh bien c'est un petit peu la la même chose qui se passe au moment où la maladie survient. Dans pas mal de rituels, il y a une bataille qui n'est pas visible, qui est au cœur du corps de l'individu entre les forces du bien et les forces du mal. Et tous les rituels sont là pour influer sur cette lutte et permettre plus ou moins rapidement la victoire des forces du bien. Mais ça ne marche pas toujours et parfois la mort s'installe. Et la mort, eh bien, c'est une défaite temporaire des forces du bien qui sont vaincues tout simplement par ces forces de la noirceur. Philippe Charlier, dans votre travail d'archéo-anthropologue, de paléopathologiste, vous avez un regard très particulier sur les œuvres qui nous viennent et qui sont liées à ces rituels, hein, souvent, c'est-à-dire les masques, les sculptures. Et dans le regard que vous portez sur la manière de présenter un visage, de présenter selon les patines, les couleurs, vous arrivez à voir justement un écho au corps et à la maladie. Oui. Alors d'abord, il faut se méfier, parce que quand on est médecin, il faut pas voir des maladies partout. Sinon, toute maladresse de l'artisan, tout petit défaut à la fois dans une peinture, dans une sculpture, dans une gravure, pourrait être ressenti comme étant une pathologie, et ça serait une vision complètement biaisée, erronée, on va dire, de l'état sanitaire des populations du lointain ou du passé. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours avoir un regard qui est multiple. Associé à ce regard de médecin, un regard d'anthropologue, pour bien connaître le contexte de l'objet qui est étudié, mais également un regard d'historien de l'art, que moi je n'ai pas. Et donc c'est pour ça qu'il faut toujours s'entourer de spécialistes qui vont nous dire oui, mais ça n'est pas une maladie, une déformation, etc. C'est un certain style artistique, par exemple du maniérisme. Ce peut être un effet un peu cubiste qu'on peut retrouver sur certains masques, par exemple d'Afrique subsaharienne, etc. Donc, il faut surtout pas voir des maladies partout. Ça serait une grossière erreur. En revanche, quand on a un gros corpus de production artistique provenant d'un endroit particulier, et qu'au sein de cette production artistique, on a un ou deux cas, parfois un tout petit peu plus, qui sortent du lot, qui sont clairement atypiques, qui attirent l'œil, on va dire, du praticien. Dans ce cas-là, sous couvert de confirmations anthropologiques et d'historiens de l'art, eh bien, on peut se permettre de proposer un diagnostic. Et puis, parfois, ce sont des types mêmes qui sont directement inspirés par la maladie ou la mort. Le masque pounou, le masque blanc qu'on retrouve au Gabon, qui est très lié à la mort, eh bien, cette couleur blanche, elle est liée à la décomposition, à la putréfaction et aussi au fait que lorsqu'un cadavre se décompose et se putréfie dans ces régions, très vite, la partie la plus superficielle des téguments va disparaître et va révéler la partie profonde de la peau et des téguments qui, elle, est de couleur blanchâtre, un tout petit peu rosée. C'est pour ça que le blanc, c'est la couleur de la maladie et de la mort dans ces régions-là, et d'ailleurs de façon assez diffuse entre les deux tropiques du Cancer et du Capricorne. Donc, ceci obéit à une, non pas une exigence, mais une réalité qui est anatomique, voire même qui est physiologique. À propos des masques pounou, Philippe Charlier, dans votre livre Rituel, vous dites bien hein, que ces masques blancs ne représentent pas un fantôme, ne représentent pas un cadavre. Non, c'est plus que ça, c'est la mort elle-même. Et donc, par ces masques, la mort intervient au cœur d'un village. Oui, la mort vient chercher, en fait. C'est le souffle de la mort, c'est la vision de la mort. Et d'ailleurs, le corps de la personne qui effectue la mascarade n'est pas visible. On voit simplement le masque maintenant dans les musées, mais il faut bien imaginer tous les tissus qui l'accompagnent, toutes les plumes éventuellement, les petits fragments de fourrure. La personne n'est pas visible sous le masque. Hein. Le masque, c'est l'ensemble, c'est pas juste le morceau de bois peint. Et puis, la personne qui porte ce masque tient également une sorte de chasse-mouche dans la main, généralement dans la main gauche, qui montre bien qu'elle est là aussi pour chasser les mouches qui viennent se poser sur le cadavre et qui sont la manifestation évidente que l'individu est mort et que bientôt il va être décomposé puis putréfié. C'est la mort qui vient, qui intervient pour rappeler qu'elle est là, qu'elle est présente en permanence. Et lorsque quelqu'un s'apprête à mourir, eh bien c'est elle qui intervient pour venir chercher à nouveau son énergie vitale et que l'énergie vitale ne soit pas dispersée, récupérée par quelqu'un de malveillant qui pourrait faire du mal avec cette énergie à nouveau disponible. Rien ne doit être laissé au hasard. Même l'énergie qui est en chacun de nous ne doit pas être dispersée n'importe comment. Et justement, la mort est là pour essayer de réguler un tout petit peu. On n'a même pas besoin de l'appeler, elle vient au moment opportun. La mort n'a presque pas besoin qu'on l'appelle. Elle se débrouille très bien toute seule pour venir quand elle en a envie, et surtout quand c'est nécessaire. Et puisque nous évoquons ces masques Pounou qui nous conduisent au Gabon, Philippe Charlier, nous avons aussi votre démarche de scientifique, parce que ces masques sont blancs, et dans votre livre Rituel, vous expliquez bien que longtemps on a dit que c'était de la poudre d'eau humain qui faisait ce blanc, alors que les études, et là d'un seul coup on trouve le travail du scientifique, disent que non, c'est du kaolin, quoi. Ça ne va pas plus loin. Oui. C'est une vieille tradition. Alors peut-être que les premiers étaient faits avec ça, peut-être qu'on mélangeait avec le kaolin un tout petit peu de poussière d'ossements humains. Pour l'instant, moi, j'en ai pas eu la preuve sur le plan microscopique ou sur le plan élémentaire. Mais maintenant, c'est tout simplement du kaolin. Une substance blanchâtre qu'on retrouve assez fréquemment dans toute cette région de l'Afrique qui est au sud du Sahara et qui sert beaucoup à blanchir, que ce soit les masques, que ce soit aussi les tablettes de divination. Quand on pratique le fa, la divination fa, c'est assez répandu. En revanche, des fragments humains, on peut en retrouver dans d'autres types d'artefacts. Je pense aux gardiens de reliquaires qu'on retrouve au Gabon, notamment chez les fangs. Dans ce cas-là, les yeux de ces gardiens de reliquaires peuvent être fait soit avec des éléments qui proviennent directement des vêtements du mort, notamment des petits boutons qu'on récupère sur la chemise du mort ou sur le suaire du défunt, qu'on va mettre au niveau des yeux, soit même des petites rondelles d'ossements humains provenant du défunt qu'on met au niveau des yeux de ces petits gardiens fang de reliquaires qui sont en bois, qui font une quarantaine de centimètres et qui sont plantés au-dessus du panier contenant les ossements du défunt, mais les ossements pour le coup sont invisibles. La seule partie des restes humains de ces individus qui est visible est au niveau des yeux, mais parfois ce sont simplement des effets personnels du défunt, en l'occurrence des boutons. Pourquoi ? Parce que à travers les yeux du reliquaire, eh bien, un peu comme un périscope, le défunt va pouvoir voir autour de lui ce qui se passe. C'est la seule partie visible et c'est la seule partie avec laquelle le défunt peut voir l'extérieur. Une sorte de pont entre les deux mondes, notre monde des vivants et l'au-delà, celui des morts. Eh bien, puisque nous nous trouvons au Gabon, nous allons aller au Congo, République du Congo, Congo-Brazza, juste à côté, pour écouter Zao, l'élégance de la rumba congolaise qui chante « Sorcier ensorcelé ». France Culture, le cours de l'histoire, Xavier Mauduit. Boka, boka, boka, boka, boka, boka, boka, banalomé. Sorcier ensorcelé, c'est du jamais vu. Sorcier ensorcelé, c'est du jamais vu. Il avait déjà mangé 9 têtes de lion, mais la 10e tête lui a rougi les yeux. Il avait déjà mangé 9 têtes de lion, mais la 10e tête lui a rougi les yeux. Il s'est transformé en grand hibou pour manger Monsieur Daniel. Monsieur Daniel est trop malin, le sorcier est pris au piège. Il ne savait pas que Monsieur Daniel avait aussi le malin de la nuit. Il ne savait pas que Monsieur Daniel avait aussi le malin de la nuit. Sorcier ensorcelé, sorcier ensorcelé, sorcier ensorcelé. Douze manières trans et malin, tel est pris qu'il croyait prendre. Et pourtant il avait pu manger son père, il avait pu manger sa mère, il avait pu manger son frère, il avait pu manger sa sœur. Il rentrait dans les verres de bière, personne ne lui faisait la guerre. Il rentrait dans les verres de champagne, personne ne lui faisait la guerre. Mais arrivé chez Monsieur Daniel, le sorcier le malin est fini. Mais arrivé chez Monsieur Daniel, le sorcier Mayela m'a oublié. C'était Zao, sorcier ensorcelé, rumba congolaise dans le cours de l'histoire sur France Culture, une émission réalisée par Milena Elig, avec aujourd'hui à la technique Nasser Moussaoui. Et aujourd'hui dans le cours de l'histoire, nous nous intéressons aux rituels avec Philippe Charlier. Philippe Charlier, tous ces rituels que nous évoquons ici, ce sont des rituels. Hein, donc il y a votre livre avec des photographies, il y a les films aussi. Au musée du Quai Branly, il y a une très riche documentation iconographique, mais de tout type en fait, qui aide à comprendre aussi ces rituels, parce que la littérature, le texte ne suffit pas, l'image ne suffit pas, les voir filmer ne doit pas suffire encore, après il faut aller sur place aussi. Ah, sur place, il y a des sensations qu'on obtient et que même les films, les commentaires et les meilleurs livres ne peuvent pas rendre. C'est l'usage tout simplement de nos cinq sens. Il faut sentir et donc les odeurs. Il faut parfois goûter. Il y a des substances qui sont données, que ce soit de l'alcool, que ce soit des gruaux, que ce soit des huiles, etc. Et il y a la chaleur, il y a les sons. Enfin, c'est un tout. Quand on écoute les films de Jean Rouge, par exemple, on a la voix du locuteur, mais on a également les sons, c'est un tout petit peu accéléré, c'est transformé, ça correspond pas exactement à la réalité, en plus les rituels évidemment ont changé depuis cette époque, malgré tout c'est une archive qui est exceptionnelle, mais rien ne vaut vivre le rituel, être présent sur place, à condition de garder un œil évidemment d'observateur, quitte à faire quelques petites percées, mais les rituels... Il faut les vivre, il faut vraiment les vivre. Et il y en a certains que j'attendais depuis longtemps de pouvoir vivre. Les revenants, par exemple, du Bénin, qu'on appelle les Egungun, ça faisait plusieurs fois que j'allais au Bénin, que je voulais absolument voir ces revenants, parce que, évidemment, des fantômes d'ancêtres qui reviennent dans la communauté des vivants, transmettre un message, paraître, montrer leur prestige, poser leurs exigences, etc., dans un moment très particulier de l'année, et à la fin de la journée, au moment où la nuit commence à tomber, etc., je voulais absolument vivre ça, comprendre. Parce que il y a des costumes des Gungun au musée du Quai Branly-Jacques Chirac, par exemple. J'en avais vu ailleurs, je connaissais ce rituel. Mais entre le connaître et le vivre, c'est un monde. Et j'ai été totalement absorbé, totalement happé par ces rituels. Et évidemment, l'expérience a permis d'apporter beaucoup plus, non seulement de saveur, mais en plus, j'espère, de profondeur à mon analyse de ces Gungun. Oui, bah dans le livre Rituel, on sent bien qu'il y a ce mélange en fait de documentation. Il y a la documentation livresque, il y a la documentation de l'analyse iconographique, et puis il y a le vécu. Vous avez cité Philippe Charlier, Jean Rouche, qui a produit des courts-métrages hein, pour le Musée de l'Homme, c'était en 1949. Et ben là, nous allons écouter l'initiation à la danse des possédés qui nous conduit au Niger. Une petite fille tombe sur le sol en hurlant. Elle est possédée par Singilingi. Singilingi, le génie coquet. Et voici Singilingi qui danse en pleurant devant l'orchestre. Elle demande au prêtre qu'on lui apporte sa blouse. Cette veste à rayures noires et blanches qui est l'insigne des génies. Et maintenant, devant l'orchestre, va avoir lieu le partage des cadeaux, les billets de 100 sous que ces divinités ont récoltés au cours de consultations particulières vont être distribués par ces divinités elles-mêmes entre les prêtres et les musiciens. Et bientôt, il ne restera plus sur la piste de danse que la petite Singilingi. Jean Rouche, initiation à la danse des possédés, un court-métrage produit pour le Musée de l'Homme, c'était en 1949. Philippe Charlier, ces documentations que nous avons sur les rituels, alors les rituels de tout type, hein, là c'est la danse des possédés, doivent être difficiles à analyser du point de vue cartésien qui est le nôtre. Il est nécessaire d'adopter des modes de réflexion qui sont anciens maintenant, celui de l'ethnologue, celui de l'anthropologue. Comment le médecin, lui, se comporte? Quel regard il porte sur ces rituels? Votre question est amusante. D'abord une distance qui est réelle, même si on pénètre complètement dans le rituel, même si on se laisse pénétrer, si parfois on peut perdre un tout petit peu pied dans le rituel, parce qu'on est seul au milieu d'une centaine, parfois plus de personnes, même si on doit garder un regard qui est un tout petit peu liminal sur la berge, si on peut dire, eh bien on peut se laisser engluer un tout petit peu dans le rituel, et le risque c'est de perdre pied. Moi je suis quelqu'un d'extrêmement cartésien, j'accepte juste une chose, c'est que mon cerveau a ses limites, et qu'il y a des choses que par nature, je ne peux pas comprendre. Quand certains prodiges, entre guillemets, arrivent dans le rituel du vaudou béninois, du vaudou togolais ou de vaudou haïtien, eh bien, il faut accepter que soit il peut y avoir des trucs et astuces, un petit peu des sortes de prestidigitation, et puis il y a des choses qui sont du domaine de l'inexplicable, qui rentrent même pas dans la ligne de compte du rituel. C'est autre chose. Le rituel, c'est vraiment une organisation pratique. Hein. C'est vraiment géré par les hommes, sous couvert des divinités, mais ce sont les hommes qui font les rituels. C'est une organisation pratique, pragmatique, qui est reproductible dans le temps et dans l'espace, et c'est en cela que c'est presque stéréotypé. Donc là, si on peut dire, il n'y a pas de limite particulière à la compréhension. Il faut avoir un esprit critique, un esprit également organisé qui permet de comprendre comment tout ceci se passe dans une unité de temps, de lieu et d'action, quasiment comme du théâtre classique. Mais l'esprit du médecin est là un tout petit peu en plus de l'esprit de l'anthropologue, et parfois on peut se demander quel hémisphère travaille du cerveau, si c'est le gauche ou le droit, quand il s'agit d'analyser des rituels complexes qui font intervenir la maladie, la lutte contre la maladie, des procédés thérapeutiques, voire même des procédés qui visent à modifier la surface du corps humain. Et à ce moment-là, on se dit, ah tiens, comment est-ce que la peau va réagir? Comment est-ce que le sang va réagir? Est-ce qu'il n'y a pas un risque infectieux? Comment vont-ils lutter contre, etc., etc. Mais bon, c'est ce mélange des genres, si on peut dire, qui, au lieu de perdre la démarche scientifique, l'enrichit, je trouve. Le sang qui est au cœur hein, de ces rituels, souvent, alors surtout quand il est question de santé, de guérison, voire de mort, le sang auquel vous consacrez toute une partie de votre ouvrage, un rituel, Philippe Charlier, le sang, c'est important. Le sang, c'est important. Le sang, c'est évident. Pas de consécration, pas d'animation, si on se centralise sur le problème des fétiches, entre guillemets, sans utilisation du sang, qu'il soit le sang humain ou qu'il soit le sang animal. Maintenant, c'est beaucoup plus le sang animal qui est utilisé, mais le sang humain continue de couler quand il y a des altercations qui sont ritualisées, quand il y a des combats qui sont ritualisés, ou quand il y a des scarifications qui sont faites des individus pour montrer leur appartenance à un clan, à une communauté, ou à ce qu'on appelle des sociétés secrètes. Donc, le sang, il est là, il doit couler à un certain moment, il doit être visible, et il doit, en tant que réserve d'énergie, il doit aller d'une personne vitale à un amas de boue dans laquelle se trouvent des végétaux particuliers, dans lesquels se trouvent des céramiques particulières, et sur lequel ont été prononcées des paroles particulières. Si on ne fait pas couler un tout petit peu de sang animal, voire même de sang humain dessus, eh bien ce tas de boue qui est inerte ne deviendra jamais quelque chose d'animé, comme peut l'être un fétiche. Donc ce sang, c'est une sorte de transmission de vie, de vitalité, qui permet d'animer l'inerte, qui permet aussi de passer du profane au sacré. Donc la fonction du sang, elle est vraiment immense, et la quasi-totalité de ces rituels ne peut pas exister sans ce liquide que Jean-Bernard appelait la sève de l'homme. La sève de l'homme. Écoutez, vous avez évoqué, Philippe Charlier, cette notion de sacré et de profane. L'occasion d'écouter quelques notes de Voodoo Child de Jimi Hendrix, c'était en 1968. France Culture. Le cours de l'histoire. Xavier Mauduit. Hendrix en 1968, Voodoo Child. Dites-nous, Philippe Charlier, parmi tous les rituels qui connaissent des succès presque mondiaux, le vaudou a une place très particulière, sans doute parce que aussi la littérature s'en est emparée, le cinéma. Mais pourquoi le vaudou a un tel écho? Pourquoi il fascine autant? Et la musique aussi, parce que vous avez passé un tout petit peu de Jimi Hendrix, et je vous en remercie, j'adore ce morceau. Les Rolling Stones aussi ont fait un album entier consacré à vaudou. Pourquoi? Parce que le vaudou fait rêver, tout simplement. Le vaudou fait fantasmer par son nom, par les pratiques qui s'y rattachent, même si elles ne font pas strictement partie du vaudou. C'est de la, ce qu'on connaît du vaudou, les poupées vaudou, etc., ce qu'on appelle les wanga là-bas en Haïti. C'est pas le vaudou lui-même, ce sont des pratiques de sorcellerie qui utilise l'imaginaire et les codes du vaudou. Malgré tout, ça fait rêver, que ce soit le vaudou béninois, du Togo et du Nigeria, c'est-à-dire la région d'origine, ou que ce soit ce qu'on appelle le vaudou en Haïti, Caraïbes, la Santeria à Cuba, le Condomblé au Brésil, etc. Et même dans nos Antilles françaises, le quimbois qu'on retrouve en Martinique et en Guadeloupe. Pourquoi ça fait rêver? J'en ai pas la moindre idée. Je pense que c'est l'archétype même de ce qu'on imagine être la sorcellerie exotique. Et du coup, derrière ces pratiques magico-religieuses, on va plaquer tout un imaginaire occidental qui, je peux vous le dire, ne correspond pas du tout à la réalité du terrain. Mais bon, il existe néanmoins un fond magique et religieux extrêmement fécond, extrêmement riche. Prenons Haïti, par exemple. Tout le vaudou haïtien est issu d'un mélange entre les religions d'Afrique subsaharienne et le christianisme, principalement le catholicisme, avec ce mélange forcé qui a eu lieu pendant les longues semaines que durait le voyage des esclaves entre l'Afrique et les côtes atlantiques de l'Amérique et des Caraïbes. Et donc, une sorte de mélange de syncrétisme a eu lieu, et c'est vrai que, eh bien, on retrouve des saints et des saintes occidentaux, mais avec des rituels qui s'y rapprochent, qui sont des rituels africains ou qui sont des rituels absolument du lointain pour ceux qui les observent maintenant. Donc, forcément, ça exerce une fascination assez forte pour les occidentaux quand derrière Saint Joseph, derrière la Vierge Marie, derrière Sainte Marie Madeleine ou autre, eh bien, on voit plaquer des figures de style qui n'ont rien à voir avec celles qu'on enseigne habituellement au petit séminaire. Voilà peut-être, en plus, avec tous les sacrifices de poulets, avec les sacrifices, les croix de Baron Samedi, les VV, qui sont ces signes un peu cabalistiques, en fait des signes symboliques d'appel des divinités qui sont faites sur le sol avec de la farine de maïs, et bien derrière toute cette symbolique extrêmement extrêmement forte, extrêmement attirante pour des yeux occidentaux, se cache un fond magico-religieux qui est très organisé, très pragmatique, très proche de la population, et bien loin de tout ce qu'on peut imaginer dans des fantasmes occidentaux. Et puis, il y a la création elle-même, c'est-à-dire que le rite est porteur de création, que ce soit un masque sculpté, que ce soit un costume, que ce soit de la musique, c'est le cas pour les vaudous. Nous allons écouter le docteur Ferrer Laguerre, qui en 1973 chantait Dambala, donc un esprit vaudou, une fécondité, enfin un esprit vaudou de la fécondité, de la bonté, de la sagesse. Et c'était un chant qui nous vient d'Haïti. Je n'y connais, sans que laisser voir. docteur Ferrer Laguerre qui chante Dambala, esprit de la fécondité vaudou, un chant haïtien. Philippe Charlier, il y a aussi cela qui nous intéresse dans ces rituels, c'est tout ce qu'ils peuvent produire. D'ailleurs, le musée du Quai Branly Jacques Chirac est là pour le montrer. On voit des choses, le rituel est aussi source de création. Les religions en général sont source de création, pour honorer la divinité, pour créer quelque chose qui est, qui frappe, qui choque l'esprit, qui attire également ou qui fédère la population, la communauté. Il faut des productions artistiques. Alors, artistique ou artisanale, la frontière est très difficile. Là, c'est plus à un historien de l'art de faire la différence entre l'un et l'autre. Mais cette production-là, elle est nécessaire. D'abord pour être un signe de reconnaissance, pour fédérer également les esprits derrière une figure commune, une représentation commune, mais également derrière toute une population va se placer sous la protection de certains de ces objets et va se reconnaître dans cet objet. Donc, qu'il s'agisse du bois, qu'il s'agisse des textiles, qu'il s'agisse des plumes, qu'il s'agisse de la vannerie, de la terre, de la pierre, tous les matériaux possibles et imaginables vont être utilisés soit pour honorer la divinité, soit pour fédérer un clan, soit pour représenter ce que l'œil nu ne peut pas voir par lui-même, soit ce que les, parce que c'est quelque chose de l'ordre de l'invisible, soit parce que c'est de l'ordre des rêves et que du coup on ne peut pas le voir de façon éveillée. Et ces productions artistiques, elles sont nécessaires pour montrer l'invisible, tout simplement, pour montrer ce que l'esprit n'arrive pas forcément à contextualiser, que ce soit le masque de la mort, que ce soit des individus mal formés, que ce soit un masque Mbangu, par exemple, avec une déformation du visage en République démocratique du Congo, qu'il s'agisse des VV qu'on trace sur le sol en Haïti pour faire une sorte d'attirance propre à flatter l'esprit du Loa, la divinité, de telle sorte qu'il va apparaître ou venir à cet endroit précis. Tout ceci participe d'une création artistique, même les Egungun du Bénin, les costumes extrêmement bariolés, couverts de petites perles, avec des éléments comme des mollusques, des cories, ces petits coquillages, ou encore des cornes de buffle qu'on va placer au sommet, des sculptures de bois pour figurer l'esprit des ancêtres. Ça montre toute la magnificence de ces fantômes qui normalement sinon ne seraient pas visibles, car ils sont du domaine de l'impalpable et invisibles au sens humain, mais ils vont s'incarner à l'intérieur de ces costumes, et par ce costume ils vont être visibles vis-à-vis de la communauté des vivants, ils vont pouvoir dicter leurs exigences, ils vont même pouvoir parler dans la langue des ancêtres, le Yoruba en l'occurrence, et ils vont pouvoir interagir. Donc ce sont ces objets, toute cette immense production d'objets d'art sont un média, un médium, un moyen de s'exprimer entre les vivants et les morts, entre le naturel et le surnaturel, entre l'humain et le surhumain, ou en tout cas le non-humain. Et heureusement pour nous, c'est une immense richesse, et ces objets deviennent presque un voyage qui nous permet de faire maintenant la marche arrière et de retourner vers ces rituels. Et le médium est aussi un élément de l'art, de la peinture. Donc le médium est bien à être utilisé ici. Et j'ai envie de rajouter à tout cela, Philippe Charlier, notre civilisation, alors une civilisation judéo-chrétienne et principalement chrétienne, avec également plein de statues, des statues de saints. Et là, nous sommes tout de suite dans des questionnements de rituels autour de la guérison, parce que c'est à peu près la même démarche. Tous ces saints qui peuplent nos églises sous forme de statues sont là, parfois spécialistes d'une forme de maladie ou de la guérison. C'est exactement la même procédure, ce sont les mêmes rituels. On va se tourner vers des statues de saints ou de saintes qui ont d'ailleurs chacun leur propre spécificité. Quand tu as mal à une dent, on va voir sainte machin, quand tu as mal à la tête, on va voir saint machin, etc. Et puis même les fétiches à clous, il y a ce qu'on appelle des fétiches à clous en République démocratique du Congo, ce qu'on appelle les Nkissi. Eh bien, il y a des statues comparables. Moi, je me suis marié en Touraine, à Loche, et vous voyez, dans l'église Saint-Ours, juste à gauche du porche d'entrée, il y a une statue de la Vierge qui est sur un socle en bois, et quand on a un problème de santé, quand on veut faire un long voyage, quand on a un souci particulier, eh bien, il y a un petit marteau avec une petite boîte à clous, on va planter un clou dans le socle de la statue, et quand tout s'est bien passé, eh bien, on revient, là, c'est un rituel gratulatoire, eh bien, on va replanter un deuxième clou pour remercier la divinité, en l'occurrence la Sainte Vierge, de nous avoir protégés et que tout s'est bien passé. C'est un rituel qui est exactement comparable en superficie, de façon superficielle, il est comparable. Maintenant, il se greffe sur tout un fond légendaire différent, sur des croyances différentes. Et si on creusait un tout petit peu plus profondément, il est possible qu'on mette à jour des différences assez, assez notables. Mais quand on le regarde comme ça, vite fait, si je peux dire, eh bien, on a le même rituel qui est celui de demander une protection à un individu particulier. Donc, il faut pas juger ça de façon primitive, parce que c'est un terme que j'entends souvent. Ça n'est pas quelque chose de primitif, il n'y a pas de hiérarchie dans les rituels, et ni même dans le degré d'évolution des civilisations. Il n'y a pas l'Occident qui est plus avancé que le reste du monde. Ce sont des religions qui se regardent toutes sur un même pied d'égalité, et j'ai plaisir à dire que le vaudou n'est pas de la sorcellerie, c'est une religion pleine et entière au même niveau que le catholicisme romain. Philippe Charlier, je vous propose de faire un petit tour à Madagascar. Alors, nous y allons le 13 mars 1949 sur la radio-télévision française pour un rituel très particulier, celui du retournement des morts. Contrairement à ce que l'on peut penser, Madagascar, dénommée l'île rouge en raison de la couleur de son sol et de ses fleuves, est peuplée d'une multitude de races. C'est une terre de transition. Aussi, les traditions et les coutumes sont-elles anciennes et variées. Il en est une qui est particulièrement en honneur. C'est celle du retournement des morts dont va nous parler le professeur Massot. Cette coutume du retournement des morts est surtout pratiquée dans la partie centrale de l'île et particulièrement chez les Mernes et les Betsileo. C'est évidemment une très curieuse pratique qui consiste en ceci. À certaines époques ou dans certaines circonstances, le tombeau ancestral est ouvert. Les morts qui ont été déposés depuis plusieurs années, ou même depuis quelques mois seulement, sont dégagés de leur linceul, et dans certains cas, les ossements qui restent seuls sont réunis en petits paquets qui sont ensuite réintégrés à l'intérieur du tombeau. Cette cérémonie du retournement des morts est une cérémonie gaie. Aussi, chaque fois qu'elle a lieu, les parents et les amis du défunt tournent en procession autour du tombeau, en promenant les ossements et en chantant. Le retournement des morts à Madagascar en 1949. Philippe Charlier, là aussi, et pour faire écho à ce que vous disiez sur une hiérarchisation des religions qui ne veut absolument rien dire, sur les rituels, c'est la même chose. Quand nous entendons le retournement des morts à Madagascar, c'est vrai que vous, médecin légiste, vous savez que dans nos civilisations, nous avons retourné sans cesse les morts ou certains morts qui étaient éparpillés, le cœur ici, la tête ailleurs. Enfin, il n'y a pas de hiérarchie à avoir. Il y a des regards à faire, et est-ce que ces regards comparés aident à mieux comprendre les rituels ? J'avais jamais tenté ce regard comparé, par exemple, entre l'éparpillement du corps des saints sous la forme de reliques. On peut penser à Saint-Louis, par exemple, qui a été éparpillé par son petit-fils, et comparer ça avec le Famadinha, qui est le retournement des morts. Je pense que le concept est un tout petit peu différent. Dans le Famadinha, il faut que le corps reste intègre, il faut qu'il reste idéalement au même endroit, et c'est surtout un rituel de fédération de la communauté et des clans pour éviter les distensions. On honore la mémoire du mort, on se souvient de son nom, on se souvient de son visage, de ses faits et gestes, de sa biographie, si on peut dire, et à cette occasion-là, en disant son nom, en se regroupant tous autour de sa sépulture, autour de son corps, d'abord on évite son oubli et donc son mécontentement, mais en plus, on profite de l'occasion pour balayer, gommer toutes les distensions qu'il a pu y avoir dans la communauté. Donc, à mon sens, c'est un petit peu différent, c'est plus les morts, en fait, sont utiles aux vivants, en ce qu'ils autorisent et en ce qu'ils permettent d'assurer une unité de la famille, du clan, voire même de toute la population. Le culte des saints et des saintes est un tout petit peu différent. À nouveau, il ne faut pas l'oublier, les saints sont toujours utiles aux vivants, mais en revanche, ils sont dispersés, ils sont éparpillés façon puzzle, si on peut dire, et là, ils jouent un rôle de médiateur entre les hommes et les divinités. Ils servent également d'exemple moral pour certains, de moins en moins, et puis ils servent aussi de plus en plus dans quasiment une sorte de superstition pour éviter de tomber malade, pour guérir d'un problème qui soit de santé, qui soit de gestion de rapports vis-à-vis d'autrui, etc. Et on a vu d'ailleurs avec la crise du Covid-19 que pas mal de gens se sont tournés vers des cultes des reliques. On a pu voir des autorités catholiques, par exemple, organiser des processions dans telle ou telle ville de reliques pour éviter que les dégâts humains ne soient trop importants avec cette épidémie devenue pandémie. Donc à Madagascar, la nécessité de conserver l'intégrité du corps des morts se fait pour souder la communauté, et c'est vrai que la dispersion du corps des saints chrétiens, ça a la même vocation, c'est aussi souder la communauté, mais cette fois-ci en dispersant. Philippe Charlier, donc c'est un voyage qui ne finit jamais avec les rituels, parce que les rituels naissent, certains meurent sans doute, ils peuvent ressurgir. Vous avez fait cet ouvrage Rituel, c'est aux éditions du Cerf. J'imagine que il y a des choix, mais c'est un voyage qui ne cesse jamais. Il y a des milliers de milliers de rituels, donc évidemment c'est un choix, et on aurait très bien pu faire un autre ouvrage, peut-être y en aura-t-il d'autres, avec d'autres rituels. J'espère pouvoir en vivre d'autres et enrichir à la fois ma vision, mes sensations surtout, et du coup mon discours avec d'autres rituels. Et il est bien possible que je n'ai pas du tout le même regard que d'autres anthropologues ou ethnologues vis-à-vis de ces rituels. Chacun peut avoir son propre ressenti, sa propre vision vis-à-vis de cela. Si vous, Xavier, par exemple, vous assistez aux femmes Adinia, peut-être que vous sentirez quelque chose de différent, vous aurez une autre interprétation en fonction de votre ressenti, mais également de tous les antécédents, j'utilise un terme médical, tous les antécédents personnels ou familiaux que vous pourriez avoir. Donc oui, chaque rituel est vraiment un monde, et nous sommes dans un monde de rituels. Mais beaucoup de rituels sont vraiment à la porte de chez nous, j'insiste. Hein, il ne faut pas y voir une vision lointaine absolument. Mais c'est vrai que quand on va dans un musée, que ce soit le musée du Quai Branly, Jacques Chirac, ou n'importe quel autre musée, et qu'on est face à ces objets du lointain qui ont participé à des rituels, eh bien connaître leur contexte, connaître leur utilisation, savoir sur quel rite, sur quel mythe, sur quel récit fondateur ils se greffent, permet vraiment d'en avoir une saveur beaucoup plus importante. On peut être face à un objet et avoir un choc esthétique, c'est déjà beaucoup, mais vous savez, c'est la question de philosophie à laquelle j'ai répondu au bac. Est-il nécessaire de connaître un objet pour l'apprécier, un objet d'art? Bon, j'ai pas eu une super note, mais maintenant j'aimerais bien avoir cette nouvelle question de philosophie pour pouvoir y répondre. Je pense que maintenant j'aurai un peu plus de choses à dire. On peut avoir un choc esthétique de prime abord, c'est vrai, l'art pour l'art, mais quand on connaît tout ce qu'il y a derrière l'objet, tout ce qui se niche comme fond culturel, mystique, religieux, métaphysique, eh bien ces objets d'art sont une porte à ouvrir vers ce monde entier qui est celui de l'inconnu, plus ou moins dominé par les rituels. Je suis tout à fait d'accord avec vous, Philippe Charlier. On peut vivre très bien sans connaître les choses, mais alors qu'est-ce que la vie est plus belle et plus riche quand on comprend, et grâce à vous, on comprend beaucoup de choses. Je vous le dis, hein, pour la question de philo, Philippe Charlier, c'est juste après Les Chemins de la philosophie avec Adèle Vendrette. Merci beaucoup à vous. Merci Xavier, merci à vous. C'était Le Cours de l'Histoire sur France Culture, une émission réalisée par Milena Hellig, avec aujourd'hui à la technique Nasser Moussaoui. Le Cours de l'Histoire préparé par Anne Toscan-Viudès, Marion Dupont, Camille André et Camille Rijad, avec une émission assurée par Amélie Perrault. Demain, dans Le Cours de l'Histoire, la médecine traditionnelle européenne, l'héritage gréco-romain. Mais oui, Hippocrate, Galien, comment se soigner à Athènes et à Rome dans l'Antiquité, et puis qu'avons-nous fait de cet héritage? À demain.